Et maintenant, un petit peu de musique avec Alain Souchon. Oh non, pas lui. Écoutez bien, mon cher, vous n'entendrez pas ça souvent. Le Stone Rock Show. Émission Olive. Salut à toi, ami du rock. Bienvenue dans le Stone Rock Show, ton rendez-vous du mercredi soir 22h sur Stone Rock Radio. Moi, c'est Olive et je vais t'accompagner pendant une bonne heure avec du bon son rock. J'espère que tu passes un bon moment sur Stone Rock Radio. Merci à Tom pour son émission The Dirty Rock Party Show que vous retrouverez mercredi prochain vers 21h sur Stone Rock. Désolé de ne pas avoir été présent la semaine dernière avec toi, mais gros bug informatique qui m'a fait perdre mes dernières émissions. Alors je te rappelle le concept du Stone Rock Show de cette saison. On va remonter le temps jusqu'en 1978 et s'intéresser à ce que passaient nos voisins britanniques dans leurs émissions rock, à cette époque où le disco dominait les charts et envahissait les ondes, mais tout en gardant l'esprit Stone Rock Show des saisons précédentes, avec les petits jingles et les interventions humoristiques. Je te passerai donc du classic rock, des extraits d'albums sortis entre janvier et juillet 1978, des titres rock complètement oubliés, une session John Peel enregistrée en live dans les studios de la BBC entre 1977 et 1978, des curiosités électro et krautrock. Je vais également te faire découvrir les grands débuts de la vague New Wave qui a pris de l'ampleur au début des années 80, mais également des beaux morceaux soul et reggae. Alors au programme de ce Stone Rock Show épisode 32, des épingles à nourrice, du calme et de l'énervé, de la ganja, du collector, du vinyle qui craque, du rock fort, du classic rock et de la pill session. Allez, si t'es prêt, on commence tout de suite avec la série Destroy et If the Kids Are United, chanson du groupe punk britannique Shame 69, sortie en 1978 en tant que single. La chanson est devenue un hymne pour la jeunesse britannique de l'époque, souvent citée comme un exemple de la capacité du punk rock à rassembler des jeunes gens de différentes classes sociales. La chanson est caractérisée par son refrain mémorable « Si les enfants sont unis, ils ne seront jamais divisés », qui a été repris dans de nombreux concerts punk rock à travers le monde. Les paroles de la chanson évoquent un appel à l'unité et à la solidarité entre les jeunes, quelles que soient leurs différences culturelles et socio-économiques. If the Kids Are United a été un succès commercial pour Shame 69, atteignant la 9e place du UK Single Charts. La chanson est depuis devenue un classique du punk rock britannique et a été reprise par de nombreux artistes, notamment Rancid et Dropkick Murphys. Je te passerai ensuite Smoke Screen, chanson du groupe punk britannique Desperate Bicycle. La chanson est sortie en 1977 en tant que single, accompagnée de la chanson Handlebars en face B. Smoke Screen est un morceau énergique et agressif, caractéristique du son punk rock de l'époque. Les paroles de la chanson évoquent le thème de l'aliénation et de la désillusion, avec des paroles telles que « Tout est un écran de fumée et rien n'a de sens ». Le groupe Desperate Bicycle était connu pour son approche « Do it yourself » de la musique, produisant et distribuant leur propre enregistrement sans l'aide d'un label ou d'un producteur. Le single Smokescreen était disponible uniquement par correspondance avec des instructions pour les fans pour presser leur propre copie vinyle. On enchaînera avec Action Time Vision, chanson du groupe post-punk britannique Alternative TV, sortie en 1978 en tant que single. La chanson est devenue un classique du mouvement punk rock et post-punk, souvent cité comme un exemple de l'expérimentation et de l'innovation musicale du genre. La chanson se caractérise par son introduction de guitare hypnotique et répétitive, suivie d'une section rythmique puissante et d'un refrain accrocheur. Les paroles de la chanson évoquent un appel à l'action et à l'urgence, avec des phrases telles que « l'action est le temps de la vision du temps de l'action ». Alternative TV était connu pour son approche expérimentale de la musique, incorporant des éléments de rock, de punk, de dub et d'autres genres. Action Time Vision étaient représentatifs de leur son unique qui a influencé de nombreux groupes post-punk et indie rock ultérieurs. Et on terminera cette série avec What Do I Get, chanson du groupe punk rock britannique Buzzcocks, sortie en 1978 en tant que single. La chanson a été écrite par le chanteur et guitariste principal du groupe Pitchley et est devenue l'un de leurs plus grands succès. La chanson se caractérise par un riff de guitare accrocheur et un refrain mémorable avec des paroles qui évoquent la frustration et l'insatisfaction dans les relations amoureuses. Mets le volume à fond et fuck les voisins, c'est le Stone Rock Show sur Stone Rock Radio. Punk's not dead. C'est quoi ce bordel? 1, 2, 3, 4. Bring the good news on a fast train. Bring the fast news on a good train. I'm driving sometime after midnight. A car running dry. And I had nothing but a good deal. And I had a good deal full of nothing. And I'm putting energy in silence. Much stranger the noise. Concentrating in a cafe. Food uneven on the table. For the first time it's something to see. Kicking paper in the subway. Scratching numbers on a hubcap. Getting something like a tin roll to hold up the beat. Tap your feet. Easy money is as good as des malades. C'est des malades. Qu'est-ce que c'est que ce truc là? I just wanna love like any other. What do I get? I only want a friend who stays to the end. What do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? In distress, I need a caress. What do I get? I'm not gonna make, I just need a break. What do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? I only get sleepless nights alone here in my heart of death. The interest in the time I drive, I wish that all it happened to me instead. What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? What do I get? Oh, what do I get? le Stone Rock Show. Émission d'Olive. Deuxième partie du Stone Rock Show avec The Unwanted, groupe de punk rock britannique formé en 1977 à Brighton, en Angleterre. Le groupe était composé de 4 membres, Tony Barber à la guitare et au chant, Ken Bussell à la batterie, Phil Fox à la basse et Steve Miles à la guitare. Le son de The Unwanted était influencé par le mouvement punk rock émergent à l'époque, mais était tellement influencé par des groupes de rock classiques tels que Led Zeppelin et The Who. Le groupe était connu pour ses performances énergiques et bruyantes, avec des paroles souvent politiques ou socialement critiques. The Unwanted a sorti 2 singles, Wazrol et Secret Police, en 1977 et 1978 respectivement, qui ont tous deux été très bien accueillis par la critique punk rock de l'époque. Cependant, le groupe a connu des difficultés pour trouver un label pour leur premier album, et finalement leur carrière a été de très courte durée. Ils se sont séparés en 1979. Je vais te passer 2 titres, Wazrol et 1984. Et on enchaînera avec The Pirates, groupe de punk rock britannique formé en 1976 à Londres. Le groupe est surtout connu pour leur chanson Shaking All Over, une reprise à succès rock'n'roll des années 60, qui a été un succès en Angleterre en 1978. Attention à ne pas confondre avec les Pirates de Johnny Kidd, que je t'ai déjà passé dans une émission précédente. Le groupe est souvent associé à la scène punk rock britannique de la fin des années 70 et du début des années 80, bien qu'ils aient également incorporé des éléments de rock'n'roll classique et de rhythm and blues dans leur musique. Leur premier album, intitulé Out of Their Skulls, est sorti en 1979 et a été très bien accueilli par les critiques. Le groupe a également été remarqué pour ses performances énergiques en direct, avec un son de guitare agressif et une attitude provocante sur scène. Bien que le groupe ait connu un certain succès en Angleterre au début des années 80, il n'a jamais atteint le même niveau de renommée que certains de ses contemporains punk rock, comme The Clash ou Sex Pistols. Cependant, leur contribution à la scène punk rock britannique a été significative et leur musique continue d'être appréciée par les fans du genre. Je te passerai également 2 titres, Shake Hands with the Devil et Long Journey Home. De merde! Mais bordel! You're in the woods. Ouh là là, c'est la décadence. C'est du respect. Yeah. Stone Rock Radio. Si tu viens de nous rejoindre, tu es bien sur Stone Rock Radio avec le Stone Rock Show. Et c'est Olivier Valentin pour t'accompagner une petite partie de ton mercredi soir. J'espère que tu passes un bon moment avec du son rock passé sur les radios british en 1978 et que tu découvres ou redécouvres les titres ou les groupes de cette belle époque musicale. Troisième partie du Stone Rock Show avec I'm Not In Love de Talking Heads. Ce titre est extrait de leur deuxième album, More Songs About Building and Food, sorti en 1978. Il a été écrit par le leader du groupe, David Byrne, qui exprime son refus d'admettre qu'il est amoureux et qui se pose des questions existentielles dans le sens de l'amour. La chanson s'ouvre sur un hockey enthousiaste, suivi d'un pretty ironique, qui contraste avec le ton désabusé du refrain « But I'm not in love, what does it take to fall in love? Do people really fall in love ?» La chanson est construite sur une mélodie simple et répétitive, soutenue par une basse groovy et des claviers synthétiques. Elle s'inspire d'une chanson du même nom du groupe 10cc, qui avait connu un grand succès en 1975 avec sa ballade romantique et mélancolique. Talking Heads propose une version plus cynique et plus nerveuse, qui reflète leur style post-punk et leur vision critique de la société. Je te passerai ensuite le Wire de la semaine, Two People in a Room. Ce titre est extrait de leur troisième album, 154, sorti en 1979. Il a été écrit par les deux guitaristes du groupe, Bruce Gilbert et Colin Newman, qui dépeignent la situation de deux personnes qui sont dans une impasse émotionnelle. Elles sont dans une pièce, face à face, mais incapables de communiquer ou de se comprendre. Elles sont prises par un cercle vicieux de tensions et de conflits qui se traduit par des mouvements du visage, des armes choisies et des décisions agressives. La chanson est construite sur une mélodie simple et répétitive avec des paroles minimalistes et des effets sonores discordants. Elle crée une atmosphère oppressante et angoissante qui reflète le malaise des personnages. La chanson pourrait être une métaphore des dissensions internes au sein de Wire à l'époque de 154, un album qui marque la fin de leur première période créative. On enchaînera avec la Düsseldorf du groupe La Düsseldorf. Ce titre est extrait de leur premier album éponyme sorti en 1976. Il a été écrit par le trio formé par Klaus Dinger, Thomas Dinger et Hans Lampe, qui était auparavant membre du groupe Neu. La chanson rend hommage à la ville de Düsseldorf, la capitale de la Rhénanie du Nord-Westphalie, où le groupe est originaire. La chanson est basée sur une rythmique motorique, typique de krautrock, avec des guitares saturées et des synthétiseurs planants. Elle crée une atmosphère cosmique et futuriste, qui reflète le dynamisme de la modernité de la ville. La chanson est également un hymne à la joie de vivre et à la liberté, avec des paroles simples et répétées. La Düsseldorf, c'est fantastique, c'est magnifique, c'est super. La chanson a été saluée par la critique et a influencé de nombreux artistes, dont David Bowie, Brian Eno et Depeche Mode. Et on terminera cette série avec le reggae de la semaine, Skip Away de Trevor Hartley. Ce titre est sorti en 1979 sur le label Burning Rockers, fondé par le chanteur et producteur jamaïcain Dennis Brown. Il a été produit par Bunny Lee, un des plus grands noms du reggae, qui a travaillé avec des artistes comme Bob Marley, Johnny Clark ou King Tubby. La chanson raconte l'histoire d'un homme qui veut s'éloigner de sa bien-aimée, qui lui fait trop de mal. La chanson est portée par une mélodie entraînante et une voix soulful qui exprime à la fois la tristesse et la détermination du personnage. La chanson a été rééditée en 2000 sur la compilation Pressure Sounds Present Bunny Stryker Lee, The Hit Sound of Jamaica, qui regroupe les meilleurs titres produits par Bunny Lee. Fall in love. ask any questions. Who needs to make a new start? I choose to believe you. I said before that I can't, 'cause I'm not in love. What does it take to fall in love? Do people really fall in love? I can answer your questions if you won't twist what I say. Please respect my opinions, they will be respected someday. But I don't need love. There'll come a day when we won't need love. I believe that we don't need love. Ça fait beaucoup là, non ? Cher ami, j'ai longtemps hésité à vous le dire, mais cette fois-ci, je n'y tiens plus. Merde, chier, con. Selling brothers in the wagon. girls, we must try to do something to help the rains. Our love must we suffer because of the rains? My sisters can't get no rest, no rest at all. If you cannot give a helping hand, but have your troubles and leave the rains. Skip away, skip away, run away. Quatrième et dernière partie du Stone Rock Show avec Mean Girl de Status Quo. Ce titre est extrait de leur album Dog of Two Heads sorti en 1971. Il a été écrit par Francis Rossi et Bob Young, les deux principaux compositeurs du groupe. La chanson raconte l'histoire d'une femme qui fait souffrir son amant, qui ne peut pas se résoudre à la quitter. La chanson est portée par une guitare puissante et une voix éraillée qui exprime à la fois la colère et la passion du personnage. La chanson a été publiée en single en 1973, plus d'un an après l'album, sur le label Pye Records. Elle a profité du succès du single Paper Plane sorti en 1972 sur le label Vertigo. Elle est devenue un hit au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, atteignant respectivement la 20e et la 14e place des charts. Je te passerai ensuite In the Gallery de Dire Straits. Ce titre est extrait de leur premier album éponyme sorti en 1978. Il a été écrit par Mark Knopfler, le chanteur et guitariste du groupe. La chanson rend hommage à Harry, un sculpteur talentueux mais méconnu, qui travaille dans l'ombre et qui meurt dans l'oubli. La chanson dénonce également le milieu artistique où les vrais créateurs sont ignorés au profit des imposteurs et des opportunistes. La chanson est devenue un classique du rock et a été saluée par la critique. Elle montre le talent et la sensibilité de Mark Knopfler, qui s'inspire de personnages réels ou imaginaires pour raconter des histoires touchantes et universelles. On enchaînera avec Are You Experienced de Jimi Hendrix Experience. Ce titre est extrait de leur premier album éponyme sorti en 1967. Il a été écrit par Jimi Hendrix, le guitariste et chanteur du groupe. La chanson pose la question « Are you experienced ?» c'est-à-dire « Avez-vous vécu des expériences psychédéliques, que ce soit par l'usage des drogues ou par la musique ?» La chanson exprime le désir de Hendrix de partager sa vision du monde avec une femme qui n'est pas encore initiée. La chanson est basée sur une guitare distordue et inversée qui crée un effet sonore étrange et hypnotique. Elle montre le talent et l'innovation de Hendrix qui utilise sa guitare comme un instrument d'exploration ou d'expression. La chanson a été publiée en single aux États-Unis en 1967, mais elle n'a pas été incluse dans la version américaine de l'album. Et on terminera cette série avec Stubborn Kind of Fellow de Frankie Miller. Ce titre est extrait de son album The Rock, sorti en 1975. Il s'agit d'une reprise d'une chanson de Marvin Gaye, parue en 1962. La chanson raconte l'histoire d'un homme qui persiste à courtiser une femme malgré les obstacles et les moqueries. La chanson est portée par une voix puissante et expressive qui montre le talent et la passion de Frankie Miller. Ce chanteur écossais est connu pour son style soul et rock, influencé par des artistes comme Otis Redding, Ray Charles ou Bob Seger. Il a collaboré avec des musiciens comme Eric Clapton, Paul McCartney et Joe Cocker. La chanson a été enregistrée en live pour la BBC en 1978 et diffusée dans l'émission Sight and Sound in Concert. Elle montre l'énergie et le charisme de Frankie Miller sur scène.

Voilà, le Stone Rock Show c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. J'espère que tu t'es régalé en ma compagnie et que tu as apprécié ces morceaux diffusés sur les ondes anglaises en 1978. On va se quitter avec la pile session de la semaine, le groupe Split Enz. Cette session date du 26 septembre 1978 et a été diffusée le 18 octobre de la même année. Elle comporte 4 chansons, I See Red, Mind Over Matter, Frenzy et Semi-Detached. Split End est un groupe néo-zélandais formé en 1972 par les frères Tim et Delphine. Le groupe est connu pour son style pop original et inventif, mêlant influences folk, rock, prog et new wave. Le groupe a connu plusieurs changements de formation et d'orientation musicale au cours de sa carrière. La session de John Peel montre le groupe dans une période de transition où il adopte un son plus rock et plus énergique, influencé par le punk et la new wave. Le jeudi, retrouve Mick et son émission Encore des riffs vers 17h, suivi de Manu avec le Rock Alternative Show à partir de 20h. Et vendredi soir, retrouve Jan en live pour un nouveau numéro de Totalement Rock vers 21h. Tu peux retrouver le Stone Rock Show sur Mixcloud, sur la page de la radio ou sur le site archive.org en tapant tout simplement le Stone Rock Show. Sinon, abonne-toi sur Facebook pour être au courant des news ou de la prog. Allez, bonne nuit à toi, ami du rock, et à la semaine prochaine. Merci pour ta fidélité. Bye bye. We'll be right back.

to stay. Panic seems too close for comfort. Save me. I can get going before I cause an accident. The wind is blowing, the sun is gone, and I can't bear. Slapdash, no mercy, children. Who's gonna be there when the going gets rough? Ooh, I wonder. Will Sammy detached and feel burned like matchsticks? Will be wonderful love. I want a fire. I want a brimstone baptism. Got no illusion, friction, no fusion. Time has come. In my garden, cats and trees spare us. But as for people, the semi detached on there, though I can be sure, I think I heard a name said, he'll amount to nothing, he's perfect. Who's gonna be there when the going gets rough? We're semi-detached and we'll burn like matchsticks. We'll be wonderful love. Who's gonna be there when the going gets rough? Ooh, I wonder. We're semi-detached and we'll burn like matchsticks. We'll be wonderful love. Simplement amis du rock, en tout cas, mesdames et messieurs, bonsoir.